Bonsoir. Dans Autant en emporte l'histoire aujourd'hui, Felice Orsini, un combattant de l'indépendance italienne. Le 14 janvier 1858, la nuit est tombée quand une foule élégante, messieurs en habit, dames en crinoline, se presse devant l'Opéra de Paris, rue Lepelletier. L'Opéra Garnier n'existe alors pas encore. À cette soirée de gala doivent assister Napoléon III et son épouse, l'impératrice Eugénie. Napoléon III, celui qui 6 ans plus tôt, après un coup d'État bafouant la République, s'était proclamé empereur. À 20h30 arrive enfin le cortège impérial précédé de lanciers à cheval. Ce que tout le monde ignore, c'est que 4 hommes, cachés dans la foule et munis de bombes, s'apprêtent à assassiner Napoléon III. L'empereur et son épouse échappent de peu à l'attentat, qui fait cependant 8 morts et 156 blessés. L'organisateur du complot, on le découvre vite, est un républicain, mais pas français. Il est italien, il s'appelle Felice Orsini. Comment expliquer qu'un Italien veuille la mort du souverain français ? Raconter l'histoire de Felice Orsini, c'est rappeler le temps où l'Italie n'existait pas, juste une mosaïque de petits États placés sous l'autorité de l'Autriche ou du pape, où les patriotes italiens rêvant d'indépendance et d'unité étaient emprisonnés ou contraints à l'exil. Il en faudra des combats, des insurrections et même des guerres pour qu'enfin, en 1861, le royaume d'Italie soit créé. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Elena Mousiani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, italienne aussi, professeure à l'Université de Bologne. Votre spécialité, c'est l'histoire politique et sociale de l'Italie au XIXe siècle. Une histoire, il faut le reconnaître, assez méconnue en France. Les images qui, au mieux, s'y associent dans nos esprits sont celles des films de Visconti. Bah, pour moi, en tout cas, il y a Senso, hein, qui se passe à Venise au XIXe, sous l'occupation autrichienne, ou le Guépard, qui se passe au moment du débarquement de Garibaldi en Sicile, en 1860. Pourtant, l'histoire italienne du 19e se rattache aussi à la nôtre, une histoire parfois romantique et sanglante, celle notamment de la révolution de 1848, une histoire européenne. Exactement, c'est une longue histoire en fait qu'on peut faire commencer à la fin du 18e siècle avec celle que justement nous les Italiens on appelle dans les historiens les années françaises. Parce que c'est les idées françaises de la Révolution et puis après de l'Empire, de Napoléon, qui arrive en Italie et y porte non seulement les idées de la Révolution, mais aussi les premières idées qu'on peut être un pays uni. Ce qui est intéressant, c'est que l'Italie, en ce moment, elle existe dans la littérature, elle existe dans l'art. Dans tout le XVIIIe siècle, tous les grands voyageurs du Grand Tour venaient en Italie. Donc il y a une idée d'Italie, mais c'est une idée culturelle. Ouais. Il n'y a pas une idée politique. Politiquement, géographiquement, elle est très morcelée, en état différent. Il y a un nord indépendant sous les royaumes de Sardaigne, avec la Vénétie qui est par contre, elle, est occupée par les Autrichiens. Le royaume de Sardaigne, il faut bien comprendre c'est le royaume de Sardaigne, c'est le Piémont et la Sardaigne. Voilà, avec pour capitale Turin. Turin, qui sera aussi la première capitale italienne. Et après, on a un centre aussi morcelé par des petits duchés, Modène, Parme, et puis surtout l'état de l'Église, qui comprenait toute l'Italie centrale, y compris l'Émilie et la Romagne, donc toute la côte adriatique, jusqu'au sud, où on avait les royaumes de Sicile, disons Naples et la Sicile, donc tout le sud de l'Italie qui avait été les royaumes de Murat, voilà encore un lien avec la France et qui sera après les royaumes des Bourbons. Et dans cette nébuleuse d'États et des différentes populations qui se sentent pas vraiment italiens, ça commence grâce aux empreintes, on peut dire, des idées françaises de Napoléon à s'implanter progressivement l'idée qu'on peut tout d'abord être indépendant. Et donc, se débarrasser de l'occupation autrichienne et après, être un peuple uni, un seul royaume. Voilà. Metternich, qui était l'homme fort autrichien, ouais. Disait avec un peu de cynisme que l'Italie n'était qu'une expression géographique. Exactement. C'était terrible de dire c'est ça. C'est un peu vrai. De façon politique, c'est vrai parce que les Italiens ne parlaient pas la même langue. Entre eux, il y a les dialectes. Ouais. Cavour, qui sera le grand faiseur politique de l'Italie, il parlait pas italien. Il parlait français. Piémontais et français. Oui, exactement. Il parlait pas italien, c'est donc, fou. Donc, c'est intéressant de voir comment, à partir des idées politiques, et puis progressivement aussi d'une culture qui est avancée par une élite qui qui unit justement la nouvelle bourgeoisie et la vieille aristocratie. Il y a une élite moderne qui commence à penser qu'on peut être un peuple uni et aussi avec une perspective européenne. Et les peuples, la paysannerie, qui est quand même la majorité ça, c'est des Italiens, et c'est la grosse ne se différence. Sent pas concernés ouais. par cette histoire. La Révolution française, ça s'est fait aussi avec l'appui de la paysannerie. En Italie, ça sera un problème. Dès le début du XIXe siècle, il y a des mouvements insurrectionnels, politiques, qui aspirent à l'indépendance. Il y a par exemple les Carbonari. Qui sont-ils et d'où vient ce nom? Alors, il y a toute une série de sectes secrètes qui se forment à partir des années, disons, 1820-21, qui portent toute une série de petites révolutions qui viennent de la charbonnerie, donc vraiment les métiers un peu comme... Les artisans, comme c'était les francs-maçons. En fait. Oui, il y a une aspiration maçonnique. Oui, un peu, il y a toute une série de formations qui essaient de porter des idées qui sont pas des idées unitaires. C'est ça qui est important, encore une fois, à souligner. C'est des idées d'autonomie, de libération, mais qui, en fait, ils aboutissent à rien pour ce qui est la construction nationale italienne. Qu'est-ce qui va changer après? Ce qui change tout, c'est la Giovine Italia, donc... Jeune Italie. La Jeune Italie. Créée par Mazzini. Créée par Giuseppe Mazzini en 31. Il y a des étudiantes, il y a les idées neuves qui viennent. Et surtout, qui ne doit pas être secret. Voilà, l'idée de Mazzini, c'est aussi de construire une Italie unie, libre et républicaine. Et ça sera celle qui portera à l'échec de oui. Ça va aboutir à la création d'un royaume en 1861. Ce sera pas exactement une république. Exactement. La révolution de 1848 va soulever un immense espoir en Italie. Il y aura des insurrections, des guerres, mais les Autrichiens vont finir par rétablir l'ordre, leur ordre. Entre-temps, une nouvelle force est apparue en Italie, c'est le royaume du Piémont, on l'a évoqué avec vous, qui prendra la tête de la lutte pour l'indépendance et l'unité italienne. Nous y reviendrons tout à l'heure, si vous le voulez bien, Elena Mosiani. Je vous propose qu'on poursuive cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Felice Orsini, un combattant de l'indépendance italienne, un texte de Charles Giol, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, réalisation Christophe Hocquet. Sa calèche devait arriver à la nuit. Aurait-il annulé ? La façade de l'opéra est illuminée pourtant, comme à chaque fois que Sa Majesté vient au spectacle. Patience. Mais c'est moi qui le fixe, ce policier ? Du calme, on me connaît pas en France. Et j'ai rien de suspect. Comment pourrait-il imaginer qu'il y a deux bombes sous mon manteau ? J'ai juste l'air d'avoir un peu de ventre. Ça va, et regarde ailleurs. Il y a quand même beaucoup d'agents. Pourvu que les autres se fassent pas remarquer. Pieri, il sait se fondre dans une foule, mais Gomez et Ludio. Mais où sont-ils ces empotés? Ils ont disparu? Allez, voilà, je les voyais plus. Avec tout ce monde. Devant l'opéra, je pouvais pas trouver mieux comme endroit. Tous ces Parisiens venus acclamer leur empereur. Lui, un empereur? Un usurpateur, oui. Un tyran. Et ils sont là le fêter, ces moutons. Ces esclaves qu'on s'entend. Ils mériteraient plutôt qu'on les crache au visage. En attendant, ce sont des bombes qui vont lui pleuvoir dessus. Pieri au coin du boulevard, Gomez, Rudio et moi le long de l'opéra. Il ne peut pas nous échapper. Ah, ça s'agite, au bout de la rue. Des lanciers à cheval. Son escorte? Oui. Voilà sa calèche. Ça y est. Enfin. Il va payer pour ses crimes. 14 janvier 1858 à Paris. Felice Orsini s'apprête à assassiner Napoléon III alors que celui-ci se rend à l'opéra assister aux adieux à la scène du célèbre baryton Eugène Masson. Orsini, 38 ans, est italien. Né en Romagne, il a consacré sa vie à sa patrie, à une Italie qu'il rêve de voir un jour indépendante, unifiée et démocratique. Avec ses allures de prophète, les cheveux noirs, longs et bouclés, le visage pâle, mangé par une barbe épaisse, cet homme, grand et robuste, est une figure bien connue dans le milieu des patriotes italiens. contre les Autrichiens qui occupent le nord du pays, contre les soldats du pape, il a mené bien des combats, soulèvements armés, conspirations. Emprisonné à de nombreuses reprises, plusieurs fois contraint à l'exil, Orsini, homme d'action exalté et opiniâtre, refuse de désarmer. Pourquoi s'en prend-il aujourd'hui à Napoléon III ? Pour le comprendre, il faut revenir 2 ans en arrière, en 1856. Après s'être évadé d'une prison autrichienne à Mantoue, Orsini s'est réfugié à Londres, terre d'asile pour de nombreux opposants politiques. Les Italiens en exil comme lui se retrouvent souvent dans une taverne de Bow Street, dans le quartier de Covent Garden. Autour d'une bière, ces proscrits évoquent leur terre natale avec nostalgie, se jurant d'y retourner bientôt, victorieux. Orsini croit souvent à certains Giuseppe Pieri. Ce Toscan qui approche la cinquantaine a eu une vie chaotique. Un temps ouvrier, puis soldat, il a dû quitter l'Italie moins pour ses opinions politiques que pour échapper à la justice, après avoir commis de nombreux larcins. Felice. Hey, Felice. Ciao, Pieri. Ça fait un moment, qu'est-ce que tu deviens ? Bof. Je donne toujours des leçons d'italien. Io sono, tu sei, lui è. Pas passionnant. Mais c'est quand même moins fatigant que l'usine. On m'a surtout dit que tu avais repris tes mauvaises habitudes. Tu t'es remis à voler, pas vrai ? Les leçons, ça paie pas assez. Oh. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis pas une célébrité, moi. Ça marche toujours aussi bien, tes conférences ? Ma foi, je rentre d'une tournée de 2 semaines à Liverpool, Manchester, Édimbourg. Il faut que tu me racontes ça. Allez, viens t'asseoir avec moi. Hé, hey, patron, une bière pour Felice. C'est pour moi. Non, mais sérieusement, là, tous ces Anglais paient leur place pour t'entendre parler de l'Italie. Qu'est-ce que tu leur racontes ? Qu'est-ce que je raconte ? Les malheurs de notre pays ? Les crimes des Autrichiens ? Le martyr d'un peuple prisonnier ? Ma vie aussi, ma triste vie ? L'arrestation de mon père, enchaîné sous mes yeux parce qu'il était carbonaro quand j'avais 9 ans ? Ma jeunesse dans les états du pape, où le moindre curé peut te faire emprisonner pour une simple plaisanterie sur la religion ? Où la nuit, des brigands, payés par les jésuites, poignardent impunément les patriotes ? Les Anglais ne placent rien au-dessus de la liberté, alors oui, il s'intéresse au sort de l'Italie, figure-toi. Plus que toi. Arrête, j'ai jamais fait de politique, mais ça m'empêche pas d'être patriote. Ouais. Un patriote qui a servi dans l'armée du grand-duc de Toscane, le pantin des Autrichiens. Il fallait bien que je gagne ma vie. J'ai pas fait d'études comme toi, je suis né pauvre, moi. Et alors ? Les braves avec qui j'ai combattu à Rome, quand nous avons chassé le pape, n'étaient pas tous des bourgeois. Il y avait des ouvriers, des artisans, des paysans. Riches ou pauvres, nous sommes tous frères. Nous devons nous unir dans notre malheur. Et ces Anglais qui viennent t'écouter, comment ils peuvent t'aider ? J'ai rencontré des gens haut placés. Des professeurs d'université, des industriels, des journalistes. Ils connaissent des ministres. Ils vont essayer de les convaincre de soutenir l'indépendance italienne. Mmh. En fait, j'oubliais. Il y a quelqu'un qui voudrait absolument rencontrer le célèbre Orsini. Un Français. Un Français ? Oui, il passe tous les soirs depuis une semaine pour te voir. Et si c'était un espion ? Ce traître de Napoléon III veut notre peau, je te rappelle. Aucun risque. Mes copains m'ont parlé de lui, c'est un républicain. Il déteste Napoléon III, encore plus que toi. Il organisait des réunions politiques clandestines à Paris. On l'a averti qu'il allait être arrêté, alors il s'est réfugié ici. Ah ben, s'il vient ici tous les soirs, je finirai bien par le rencontrer. Quelques jours plus tard, au pub, Orsini rencontre Simon Bernard. Cet ancien chirurgien de marine, devenu journaliste et militant républicain, n'a qu'une idée, renverser le Second Empire. Pierre, il m'a dit que vous aussi, vous êtes en exil ? Depuis 8 ans déjà. Je suis de Perpignan, j'ai grandi sous le soleil méditerranéen comme vous. Alors la grisaille londonienne. Un cauchemar pour un Italien. Pas vrai, Pieri ? Mmh. Vous avez donc eu des ennuis avec Napoléon III ? Quand la révolution de 1848 a éclaté, je me suis précipité à Paris, depuis ma Catalogne. Enfin la liberté, l'égalité, le suffrage universel, les clubs où l'on pouvait parler librement de politique. Je suis devenu un orateur assez réputé. On m'appelait Bernard le clubiste. Et puis, Napoléon le Petit est arrivé. J'ai dû fuir pour échapper à la prison. Ce misérable, il a tué votre République. Et il a aussi abattu la nôtre, la République romaine, en envoyant ses soldats pour rétablir Pie IX. Tant de mes amis sont morts à mes côtés, tués par des balles françaises. Justement, cet ennemi que nous avons en commun, j'aimerais vous proposer de l'assassiner. Mais vous êtes fou ! Bah réfléchissez. Napoléon III supprimé, Paris connaîtra une nouvelle révolution. Et comme en 1830, comme en 1848, partout en Europe, partout en Italie, ce sera le signal de l'insurrection. Vous pourrez enfin chasser les Autrichiens, le pape, les Bourbons de Naples. T'as raison, Felice. Tu dis sans arrêt que Napoléon III est un traître. parce que dans sa jeunesse, il a été carbonaro, comme ton père, qui s'est même battu contre les troupes du pape. Et votre ami Mazzini a plusieurs fois tenté de le faire assassiner. Bon, en échouant lamentablement. Mazzini est trop lâche pour s'exposer, alors il envoie de pauvres diables qui savent même pas tenir un pistolet. Attention, monsieur Bernard, Felice ne supporte pas qu'on lui parle de Mazzini. Ils sont très fâchés, vous savez. Écoutez, monsieur, de toute façon, c'est très imprudent de parler de tout ça ici. Je vous laisse. Je saurai où vous trouver. Giuseppe Mazzini est alors la grande figure du patriotisme italien, à la fois leader charismatique et théoricien. Depuis Londres, où il se trouve lui aussi en exil, ce Génois dirige une société secrète, Jeune Italie, qui a pris la relève du carbonarisme. Pour rallier les Italiens à son rêve d'indépendance et d'unité, Mazzini écrit sans relâche des livres, des brochures, des articles. Mais il fomente aussi d'incessants complots, soulèvements militaires, attentats. Orsini a longtemps été l'un de ses lieutenants. Le chef de Jeune Italie lui a confié le commandement de plusieurs insurrections dans la région de Modène puis en Lombardie. Autant de fiascos par manque d'hommes, de moyens et de préparation. Échaudé par ces échecs dont il estime Mazzini responsable, Orsini a fini par rompre avec lui. Il veut désormais agir par lui-même, s'imagine un destin de chef, se voit jouer un rôle décisif dans la libération de l'Italie. Aussi la suggestion de Bernard ne le laisse-t-il pas insensible. Des milliers de soldats indigènes de l'armée des Indes se mutinent. Les émeutes s'étendent à tout le nord de l'Inde. Des dizaines de citoyens britanniques assassinés à Delhi. Eh bien, ça a l'air sérieux cette révolte en Inde. Avec de tels soucis, le gouvernement anglais n'est pas prêt de s'intéresser à l'Italie. Bernard a raison. L'Angleterre, la France, la Prusse, toutes sont complices de l'Autriche. Aucune n'a intérêt à bouleverser l'ordre établi en Europe. Les souverains et leurs ministres se moquent bien des souffrances des peuples. Non. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut frapper cette coalition à la tête. Ce n'est pas rien de tuer un homme. Je ne suis pas un assassin. Mais est-ce un péché de tuer un traître? Un homme qui, aveuglé par sa soif de pouvoir, a abandonné les idées de sa jeunesse, a renié son amour pour l'Italie. Et il ose s'appeler Napoléon. Le vrai, le grand, le seul Napoléon, c'est celui qui, en chassant les Autrichiens, en apportant la démocratie aux Italiens, leur a redonné le goût de la liberté. C'est celui que mon père a suivi jusqu'en Russie, dans la Grande Armée. Son misérable neveu est une insulte à sa mémoire. Non. Il ne mérite pas de vivre. Au printemps 1857, Orsini a pris cette décision. Il l'annonce à Bernard et à Pieri, qu'il a convié chez lui dans le nord de Londres. Monsieur Bernard, je ne vais pas y aller par quatre chemins, j'ai bien réfléchi. Votre projet m'intéresse. Excellente nouvelle. Vos arguments m'ont convaincu. En tuant Napoléon III, nous libérons à la fois la France et l'Italie. Mais ce ne sera pas une mince affaire. Il va falloir des faux passeports pour aller à Paris. Passer là-bas plusieurs semaines en repérage. Ça demande de l'organisation et de l'argent. Bernard en a plein. 5000 livres, tu te rends compte? D'où tirez-vous une somme pareille? De quelques Anglais fortunés qui soutiennent notre projet. Je vous les présenterai. Mais il nous faut aussi un groupe d'hommes déterminés. Je ne peux pas être le seul à m'exposer. 3 hommes sous mes ordres, ça me semble un minimum. Tu peux compter sur moi, Felice. Toi, Pieri, tu es prêt à risquer ta peau pour la politique? Tu me reproches suffisamment d'être un planqué. À mon âge, j'aurais plus beaucoup d'occasions de me rendre utile à ma patrie. Et j'ai quelqu'un d'autre à te proposer, Gomez, un Napolitain. Je l'ai connu dans l'armée en Toscane. C'est un colosse. Pas une lumière, mais très loyal. Il est à Londres et il cracherait pas sur un boulot bien payé. J'ai sous la main un jeune Vénitien, Rudio, une famille de patriotes. Son père a servi dans la grande armée, comme le vôtre. Avec son frère, il a participé à plusieurs complots contre les Autrichiens. Il a dû fuir. Il est là, à Londres, à crever la faim. Bon, on verra si ces deux-là peuvent faire l'affaire. Quant à toi, Pieri, t'as pas intérêt à me décevoir. Mais... reste la question des armes. Poignard? Pistolet? Que diriez-vous de quelque chose de plus radical? Quelque chose... explosif. Simon Bernard estime que l'emploi de bombes offre les meilleures garanties de succès. Pourtant, les explosifs modernes comme la dynamite, à la fois très puissants et de manipulation assez sûrs, ne seront inventés qu'au cours des décennies suivantes. Au milieu du 19e siècle, on utilise toujours la vieille poudre à canon, inventée en Chine, qui doit être employée en grande quantité pour obtenir une explosion importante. Impossible d'amasser plusieurs tonneaux de poudre sur le passage de Napoléon III sans attirer l'attention des policiers qui le précèdent partout. Bernard choisit donc de recourir aux fulminates, des poudres explosives découvertes à la fin du XVIIIe siècle. On les emploie très peu, car si elles sont très puissantes, elles sont aussi très instables et menacent d'exploser à tout moment quand on les manipule. Qu'importe, le Français, médecin de formation et passionné de chimie, est sûr de son fait. C'est lui qui dessine la coque des bombes, en fonte, qu'il fait fabriquer par un ami ferronnier. Et il se charge lui-même de confectionner la poudre. À l'été 1857, Bernard invite Orsini chez lui pour prendre part à une petite expérience scientifique. Et voici les bombes Felice. Je viens tout juste de les recevoir. Donc pas besoin d'y mettre le feu ? Suffira de les lancer et elles exploseront en touchant le sol ? Oui. Regardez ces petites capsules qui dépassent de la partie inférieure. À l'intérieur de chacune d'entre elles, il y a un piston qui s'enclenche lorsque la capsule touche par terre, ce qui produit une étincelle. Mais comment être sûr que la bombe tombera du côté des capsules ? Parce que la partie inférieure est plus lourde. Attendez, j'en dévisse une. Voyez ? La coque en fonte est beaucoup plus épaisse du côté des capsules. Ouais. C'est infaillible. Essayez vous-même. Jetez donc celle-ci. Vous êtes sûr ? Elle n'est pas chargée ? Bien sûr que non. Allez-y, n'ayez pas peur. En effet, elle se retourne en l'air. C'est bien pensé, bravo. Et elles sont petites et légères, elles sont faciles à dissimuler. C'est à peine plus gros qu'une grenade à main, mais infiniment plus puissant. 10 cm de diamètre, 1 kg à vide, 1 kg 2 avec la poudre. Oui, justement. Et la poudre ? Nous allons utiliser du fulminate de mercure. Regardez. En voici un peu. C'est cette poudre blanche. Un mélange d'acide nitrique, de mercure et d'alcool. Attention, c'est très sensible au choc. Donc vous la transporterez dans une boîte avec un peu d'eau. Mais les bombes n'exploseront pas si la poudre est humide. Non, bien sûr. Vous devrez la sécher avant de remplir les bombes. Je vous donnerai des instructions écrites. Vous ne risquez rien. Mais il faudra la réchauffer à la bonne distance d'un feu de cheminée. Voyez ce qui arrive quand on l'approche trop d'une flamme. Oh, Dio mio! Et vous n'avez jeté que quelques grains. S'il vous plaît, soyez très précis dans vos instructions. Qu'une mauvaise manipulation ne réduise pas notre opération à néant. Et ma pauvre personne par la même occasion. En décembre 1857, un mois avant l'attentat, Orsini quitte Londres pour Paris avec un passeport anglais au nom de Thomas Alsop. Dans sa valise, la poudre. Descendu dans un garni situé à quelques centaines de mètres du palais des Tuileries, la résidence parisienne de l'empereur. Il repère vite ses habitudes, ses promenades à cheval au bois de Boulogne en fin d'après-midi, ses fréquentes sorties au théâtre ou à l'opéra en soirée. Pierri, Gomez et Rudio le rejoignent. Par souci de discrétion, chacun s'installe dans un hôtel différent sous un faux nom. Enfin arrivent les 5 bombes. Démontées en plusieurs morceaux, elles ont été acheminées par un garçon de café londonien, grassement payé, à qui les conjurés ont dit de déclarer à la frontière française qu'il s'agissait d'appareils d'éclairage au gaz. Les douaniers n'ont pas cherché à en savoir plus. Début janvier, Orsini a enfin arrêté son choix. L'attentat aura lieu devant l'opéra, qui se trouve alors rue Lepelletier. Reste à en déterminer le jour et l'heure. Pas de lampe à gaz sur la façade ? L'empereur ne vient pas à l'opéra ce soir. Ça ne sera donc pas pour aujourd'hui. Bon, Pierre y est en retard, évidemment. Dire que le sort de l'Italie et le mien dépendent de cet imbécile. Et Gomez et Rudio ne valent guère mieux. Désolé, Felice. Je m'étais trompé de rue en montant le boulevard. Tu sais pas lire mon plan. Il est pourtant clair, mon dessin. Tu n'énerves pas. J'ai compris. Moi, je me tiendrai là-bas, à l'entrée de la rue, au croisement du boulevard des Italiens. T'es sûr que la voiture viendra de ce côté ? Évidemment. J'ai tout étudié en détail. Donc, tu seras le premier à lancer ta bombe. Et si la voiture continue d'avancer, Gomez, Rudio et moi, nous serons positionnés dans la rue tous les 30 mètres. Je serai le dernier devant l'entrée de l'opéra avec 2 bombes. Pour finir le travail, si jamais vous ratez votre coup. Mais Felice, il risque d'y avoir beaucoup de monde pour voir l'empereur. Justement, c'est parfait pour nous. Après les explosions, les gens vont courir dans tous les sens, on pourra prendre la fuite sans problème. Mais on va blesser des innocents. Bah oui, moi aussi, ça me répugne. Malheureusement, on change pas le cours de l'histoire sans faire couler un peu de sang. Allez. Tu penses pas à ça, hein? Pense à l'Italie. Ouais, t'as raison. L'Italie. Orsini et ses hommes attendent lorsque, 4 jours plus tard, ils apprennent que Napoléon III doit se rendre à l'opéra. Le 14 janvier 1858, ils sont à leur poste dès 19h. Vers 20h, Pierry est arrêté par un policier qui surveille les alentours de l'opéra. Dans un pub londonien, juste avant de venir à Paris, il s'était vanté de participer à un complot contre Napoléon III. Son signalement avait été transmis aux policiers anglais qui l'avaient fait suivre à leurs collègues français. On trouve sur lui une bombe, mais on le conduit au poste de police voisin sans l'interroger sur d'éventuels complices. À 20h35, lorsque Napoléon III arrive, Orsini et ses 2 autres comparses n'ont pas été inquiétés. Voilà sa calèche. Mais Pierry, je n'ai pas entendu sa bombe. Il n'a pas eu le cran, ce lâche. Bon, la voiture arrive devant Gomez. Mais la calèche est intacte, l'imbécile. Il a visé les lanciers. Il n'a tué que des chevaux. Arrudio, maintenant. Lance la tienne! Lance-la! C'est pas possible. Encore à côté. Une si grosse voiture, comment ils ont fait pour la rater? Les incapables. Je dois tout faire moi-même, comme d'habitude. Oh, tout ce sang. Mais quel carnage. Tant pis, je dois le faire. Pour l'Italie. Mort aux traîtres. Je ne vais pas le rater, moi. La bombe lancée par Orsini n'a pas plus de succès que celle de Gomez et de Rudio. Elle explose tout près de la voiture impériale, qui est criblée de 42 éclats de fonte. Mais l'empereur et l'impératrice sont indemnes. Napoléon III a seulement le haut de son chapeau troué de part en part et une égratignure au nez causée par un éclat de verre. La Providence a protégé le couple impérial, répéteront les journaux pendant plusieurs jours. Plus de 150 personnes n'ont pas cette chance, atteintes plus ou moins grièvement par les explosions. On comptera 12 morts. Orsini est lui-même blessé par sa bombe, le cuir chevelu entaillé par un éclat. Saignant abondamment, commotionné par le souffle de l'explosion, il abandonne sa seconde bombe sur le trottoir et va se faire soigner dans une pharmacie. Puis il grimpe dans un fiacre qui le ramène à son garni. Comme il l'avait prévu, Gomez et Rudio, au milieu du chaos, échappent eux aussi aux forces de l'ordre. Mais au poste de police, Pierry, qu'on interroge enfin, lâche très vite les adresses de ses complices. Vers minuit, le commissaire Lagrange, accompagné d'une dizaine d'agents, réveille le concierge de l'hôtel meublé d'Orsini, rue du Mont-Abor. Celui-ci est alors allongé sur son lit, tentant de reprendre ses esprits. Ma tête, ça tourne encore. Et ce sifflement. Au moins, on dirait que je saigne un peu moins. Bon, j'ai essayé de me reposer quelques heures. Et puis j'irai prendre le premier train pour Bruxelles. Mais, qu'est-ce que c'est? Bonsoir, monsieur. Je suis le commissaire Lagrange. Votre concierge a eu l'amabilité de nous ouvrir la porte de votre chambre. Nous avons appris que vous avez été gravement blessé devant l'opéra et nous avions peur que vous ayez perdu connaissance. C'est l'empereur qui nous envoie pour savoir comment vous vous portez. L'empereur? Il n'est pas mort? Non, il n'a rien. C'est un vrai miracle. Mais ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Oh, si, bien sûr. C'est une heureuse nouvelle. Quant à moi, je me sens déjà mieux, merci. Ma blessure n'est pas si grave, un peu de sommeil. Votre concierge me dit que vous êtes anglais? Ah oui, en effet, je m'appelle Thomas Allsop. Mon passeport est sur cette table. Lors d'accent pour un anglais. Allez, assez plaisanté. Je sais que vous êtes Félix Orsini et que c'est vous qui avez attenté la vie de l'empereur. Le grand, emparez-vous de cet homme. Oh, attends. Attention. Faites attention, je suis blessé. Blessé, oui. Ah oui, vous saignez un petit peu, oui. Vous devriez voir les malheureux qui ont été conduits à l'hôpital. Eux, vous les avez vraiment blessés. La petite vendeuse de programme à l'entrée de l'opéra, des éclats de métal fichés dans tout le corps. Un garçon de 11 ans, on a plus d'une dizaine dans les jambes. Un autre enfant est mort, sur le coup. Bien de mes collègues aussi. Arrêtez, mon but n'était pas de faire autant de mal. Allez. À la préfecture de police, Orsini avoue tout. Il endosse la pleine responsabilité de l'attentat sans mentionner le nom de Bernard. Enfermé dans une cellule sans fenêtre de la conciergerie, étroitement surveillé, il sait que cette fois il ne pourra pas s'échapper. Mortifié par son échec, le bouillonnant révolutionnaire est un prisonnier calme, résigné. Il sait que la guillotine l'attend. Orsini ! « Une lettre pour toi. C'est l'écriture d'Assuntina. Évidemment, maintenant, elle m'écrit. Il y a 3 ans sans me donner de nouvelles de nos filles. Felice, je savais bien en t'épousant que notre vie n'allait pas être de tout repos. Moi, par contre, je savais pas que tu allais me tromper pendant que je serais prisonnier des Autrichiens. Et qu'après ça, tu me chasserais de chez nous, en m'empêchant de voir Ernestine et Ida. Tu as été interdit de séjour à Florence, et j'ai dû te suivre à Nice, loin de mes parents qui sont morts avant que je puisse les revoir. Je t'ai donné 2 filles, mais tu ne t'en es jamais occupé, tu les as à peine vues grandir. Tu ne t'es jamais intéressé à rien d'autre qu'à la politique, à tes complots. Tu as été un mauvais mari, un mauvais père. Mais je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais un assassin. Je ne peux pas croire ce que je lis dans les journaux. Tu as mutilé, tu as tué des enfants, des femmes et des hommes innocents. Et je porte ton nom. Et tes filles le porteront toute leur vie. C'est en pensant à elles que malgré toutes tes fautes, je suis venue à Paris demander ta grâce à l'empereur. Je doute fort qu'il accepte de m'entendre. Aussi, si je t'écris, c'est pour te demander de rédiger pour tes filles une lettre que je leur ferai lire quand elles auront l'âge de comprendre. Une lettre dans laquelle tu leur demandes pardon pour tes crimes. Pardon de les avoir abandonnés. Tu leur dois ces dernières paroles. Assuntina. Mes pauvres enfants. Grandir sans père. Bien sûr, c'est terrible. Je le sais bien, moi aussi, j'ai été privé de père. Parce qu'il était Carbonaro. Parce qu'il voulait être libre. Il a dû sacrifier sa famille à sa patrie. Comme moi. Espérons que mes filles me comprennent un jour. Espérons qu'elles soient fières, malgré tout, que leur père soit mort pour son pays. Une semaine plus tard, alors que l'ouverture de son procès approche... Orsini, debout ! Le préfet de police vient te voir. Le préfet de police ? Bonjour, je suis le préfet Pietri. Pietri ? Vous êtes italien ? Presque, je suis corse. Orsini. Je suis venu vous voir pour essayer de comprendre votre crime. J'ai lu vos interrogatoires, je me suis renseigné sur vous. Vous êtes un homme d'honneur, vous êtes instruit, vous êtes docteur en droit, c'est bien ça. Oui. Comment avez-vous pu faire ça? J'ai toujours détesté la vue du sang, mais je l'ai vu couler très jeune. À Forlì, où j'ai grandi, les patriotes étaient tués en pleine rue, par des assassins à la solde du pape. J'avais 15 ans la première fois que j'ai vu un camarade mourir. Alors j'ai dû apprendre à me défendre. Et malheureusement, la violence appelle la violence. Mais vous avez tué des innocents, des femmes et des enfants. Et en visant l'empereur, vous vous êtes trompé de cible. Vous plaisantez? Écoutez-moi, Orsini, vous pouvez me faire confiance. Le sort de l'Italie m'importe, vous savez. Votre patrie, c'est un peu la mienne. Tenez, regardez. Je vous ai apporté ce petit livre que j'ai écrit il y a quelques années. La politique française et la question italienne. La politique de votre empereur en Italie, on la connaît. C'est d'envoyer ses soldats assassiner les patriotes pour faire plaisir au pape. J'ai vu ces crimes. J'étais député de la République romaine qui l'a écrasé. C'était il y a 10 ans. Il n'était encore que le président de la République. Il était obligé de donner des gages à l'Assemblée. Il se le reproche beaucoup, vous savez, car son sentiment n'a jamais varié. Il veut que l'Italie se délivre. Et il y travaillait, figurez-vous, avant que votre tentative ne remette tout en cause. Je ne vous crois pas. Vous devriez pourtant... Car il vous reste une chance de réparer votre erreur. Écrivez à l'empereur, demandez-lui pardon et implorez-le d'aider les Italiens. Je lui ferai parvenir votre lettre et je suis certain qu'il n'y restera pas insensible. Au bout de plusieurs visites, le préfet Pietri finit par gagner la confiance d'Orsini. À 4 mains, il rédige une lettre qui, comme le pensait Pietri, émeut Napoléon III. Au point que celui-ci autorise l'avocat d'Orsini à la lire lors de son procès. Il l'a fait même publier dans le Moniteur universel, le journal officiel du régime. Près de la fin de ma carrière, je veux tenter un dernier effort pour venir en aide à l'Italie. dont l'indépendance m'a fait jusqu'à ce jour braver tous les périls, aller au-devant de tous les sacrifices. Elle est l'objet constant de toutes mes affections, et c'est cette dernière pensée que je veux déposer dans les paroles que j'adresse à votre majesté. De votre volonté dépendent le bien-être ou les malheurs de ma patrie, la vie ou la mort d'une nation à qui l'Europe est en grande partie redevable de sa civilisation. Telle est la prière que de mon cachot j'ose adresser à votre majesté, ne désespérant pas que ma faible voix ne soit entendue. J'adjure votre majesté de rendre à l'Italie l'indépendance que ses enfants ont perdue en 1849, par la faute même des Français. Que votre majesté se rappelle que les Italiens, au milieu desquels était mon père, ont versé leur sang pour Napoléon le Grand, partout où il lui plut de les conduire. Qu'elle se rappelle que tant que l'Italie ne sera pas indépendante, la tranquillité de l'Europe et celle de votre majesté ne seront qu'une chimère. Que votre majesté ne repousse pas le vœu suprême d'un patriote sur les marches de l'échafaud. Qu'elle délivre ma patrie, et les bénédictions de 25 millions d'Italiens la suivront dans la postérité. Signé, Felice Orsini. Au terme de son procès, Orsini est condamné à mort, tout comme Pieri et Gomez. Ruggio, considéré comme un simple exécutant, écope de travaux forcés à perpétuité. Mais l'impératrice Eugénie, émue par le sacrifice patriotique d'Orsini, se prend de pitié pour celui qui a tenté de la tuer. Elle reçoit même Assuntina Orsini et ses filles, et supplie l'empereur de gracier celui qu'elle appelle le martyr de la liberté. Napoléon III finit par se laisser convaincre, mais tous ses conseillers s'opposent fermement à la grâce, craignant qu'une telle clémence n'encourage de nouveaux attentats. L'empereur doit s'incliner. Reste que la lettre du condamné à mort produit son effet. Quelques jours avant l'exécution d'Orsini, Napoléon III écrit à Cavour, le premier ministre du royaume de Piémont-Sardaigne. Dans cette lettre, il esquisse l'alliance militaire entre la France et le Piémont, qui l'année suivante chassera les Autrichiens de Lombardie après les batailles de Magenta et de Solferino. Ce sera la première étape de l'unification italienne. Orsini est loin de se douter que son attentat raté aura de telles conséquences lorsque le 13 mars 1858 à l'aube, il est extrait de sa cellule pour être exécuté. La guillotine est dressée sur la place de la Roquette, dans l'est de Paris. Au pied de l'échafaud, Orsini retrouve Pieri, qui doit être exécuté juste avant lui. Quelle foule! On se lève tôt à Paris pour voir des hommes mourir. Pieri leur offre un bien triste spectacle à s'agiter et à crier comme ça. Quel lâche! Quand son heure est arrivée, il faut l'accepter avec dignité, stoïquement. Un Italien doit mourir comme ses glorieux ancêtres, comme un Romain, comme Sénèque, comme Caton d'Utique, comme Brutus. Il est doux et glorieux de mourir pour sa patrie. Dulce et decorum est pro patria mori. Voilà. Les dernières marches. La dernière page. Mais tais-toi donc, Pieri. Voilà qu'il se met à chanter maintenant. Au moins, il part sur de belles paroles. Bien. C'est à moi maintenant. Ernestina, Ida, mes chères filles, mes dernières pensées sont pour vous. Pour vous et pour mon cher pays. Vive l'Italie! Vive la France! Felice Orsini, un combattant de l'indépendance italienne, de Charles Giol, avec Felice Orsini, Vladislav Galard, Simon Bernard, Julian Egerix, Giuseppe Pieri, Arthur Igual, le commissaire Lagrange, François Loriquet, Pierre-Marie Pietri, Alexandre Michel, Assuntina Orsini, Judith Morisseau, et les voix d'Aurélien Ozinski, Alice Lestrat, Étienne Launay, Élodie Vincent et Sandra Giscard. Bruitage Sophie Bissans, équipe technique Valentin Azan-Zielinski et Éric Boisset, assistante à la réalisation Clémence Bucher, réalisation Christophe Hoquet. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Felice Orsini et l'indépendance italienne avec mon invité Elena Mousiani. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Also terrified, beyond quantified, over secluded and way over guarded. Also idealized, over romanticized. So much to look at and so much to see. Can't wait to see you to get rid of me. Can I be on both sides? Will we ever collide? Empty, my flesh is sold. History drained, my heart pained. Hands get dirty every time I touch gold. Ever secluded and way over guarded. Also idealized, over romanticized. So much to look at and so much to see. Can't wait to see you to get rid of me. Can I be on both sides? Will we ever collide? We'll wait for the crash, we'll never go back. I see you, I feel you, the perfect collapse. Can I be on both sides? Both sides de Jeanne Hadet sur France Inter, autant n'importe l'histoire, à la réalisation Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Serge Viguier. Elena Mousiani, je ne peux résister à l'envie. Un extrait, bien sûr, vous l'avez reconnu, du Chœur des Hébreux, Va Pensiero, dans Nabucco, l'opéra de Verdi, créé en 1842, ici, avec le chœur et l'orchestre du théâtre de la Scala, dirigé par Riccardo Muti. Un air, je crois, toujours cher au cœur des Italiens. Oui, toute l'Italie est là. Ça symbolise. Ça symbolise. Et justement, au début, on disait qu'il y a une idée culturelle de l'Italie avant qu'une idée politique. Et l'opéra, le mélodrame, aux années 40, 1840, aide la construction nationale. Du reste, sur tous les murs italiens de l'époque, on commençait à voir Viva Verdi. Et c'était en fait un Viva Victor Emmanuel, roi d'Italie. Oui, donc, ça sur rappelle, les deux mots. Il y a un lien. On l'entend donc, ce combat de longue haleine pour l'indépendance et l'unité avait sa dimension romantique, mais il a eu aussi donc ses pages sanglantes, comme cet attentat de Felice Orsini contre Napoléon III, qui, je le rappelle, donc a fait 8 ou 12 morts selon les sources et 156 blessés. Quelle place cet acte terroriste, quand même, occupe-t-il dans la lutte pour l'indépendance italienne, dans l'histoire? Alors, dans l'histoire, ça occupe une place importante. Pour deux raisons, une raison, celle qu'on connaît, qui soit vraie ou pas, que Napoléon III a été touché par la lettre d'Orsini, c'est incroyable, c'est sûr quand même qu'il y a un lien. Il y avait un lien entre l'histoire de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte. Oui, quand il était jeune. Quand il était jeune, il était en Italie, il avait participé en 1830 avec son frère, surtout Napoléon Louis, qui lui, il était membre de la charbonnerie, donc ça reprend cette idée. Oui, c'est quand même quelque chose qu'on connaît mal aussi en France. On connaît Napoléon III, le tyran, etc. Mais sa jeunesse... C'est un peu un personnage à l'Orsini, on pourrait dire, un personnage révolutionnaire. Il a fait quand même un coup d'État, Louis-Napoléon Bonaparte. Oui. Donc, il y a un lien entre ces hommes qui sont des hommes d'action. Hein. Il y a Napoléon, il y a Orsini, il y a Garibaldi aussi dans l'histoire d'Italie. Donc, Napoléon III, il n'est pas tellement républicain. Hein. Il a... Au départ, oui, puis après, il fait un coup d'État. La différence très, très importante à souligner, à mon avis, entre, que ça nous rapporte un peu aussi au personnage d'Orsini, c'est que Orsini, c'est un homme d'action. C'est un patriote, tout d'abord. Donc, toute sa vie a été fait, inscrit dans cette idée qu'il fallait libérer l'Italie de l'oppression. Il était romagnol, donc il était né à Melle, dans les Romagnes, dans l'État pontifical, cet État qui était très, très dur, où il y avait la censure, on pouvait pas, la presse n'arrivait pas, donc c'était vraiment une occupation très forte. Donc il y a cette idée de libérer la patrie, donc c'est un patriote et c'est surtout un homme d'action. Et Napoléon III, au départ aussi, c'est un homme d'action. Après, Napoléon III a un projet politique qui n'a pas Felice Orsini. À part l'idée de libérer l'Italie, il n'a pas une pensée politique, une théorie politique comme celle de Mazzini. Orsini est plus radical, il est prêt à tuer. C'est un homme d'action, voilà. Il est prêt, à son tuer. Objectif politique. Mazzini aussi, il est prêt à faire des actions, mais il y a un pensée politique derrière. Donc, alors que Orsini, c'est un homme d'action, vraiment un personnage, on pourrait dire, une personnalité complexe et excessive en même temps. Et la violence, ça fait partie de ses actions et de sa personnalité. Il l'écarte pas pour attendre les bouts qu'il faut. Quand même toujours pas oublier que c'était les bouts de l'indépendance de l'Italie. Donc il y a. Et au-delà de la dimension personnelle que Napoléon III a pu avoir dans cette histoire, une dimension presque sentimentale, quel était l'intérêt de la France en Italie? Alors il y a l'intérêt de Napoléon III, évidemment, c'est un intérêt qui s'inscrit dans les projets politiques de l'Empire, de construire un empire qui aille une place en Europe. Donc une Europe qui voulait de la paix et qu'il fallait que ça soit en Europe qui tourne un peu autour à nouveau de la France comme un pivot, ce qui impliquait pour l'Italie de se débarrasser de l'Autriche aussi. Donc la France devait reprendre la place en Italie qui avait dans les projets de l'oncle aussi, hein, dans les projets de Napoléon Ier. Il faut aussi souligner le fait que l'idée de Napoléon III, c'est pas celle d'unifier l'Italie. Les projets qu'il met sur place avec Cavour en 58 dans le fameux rencontre et dans l'accord qu'il y a après l'attentat, c'est un projet qui prévoit la construction d'un État italien, un royaume italien au nord, et après laisser un État un peu central, même à la limite au pape, plus réduit. Et puis dans le sud, laisser les royaumes des deux Siciles, au Bourbon, il aurait préféré les héritiers de Murat, donc reprendre vraiment le projet de Napoléon. Il est un peu forcé après à devoir accepter l'idée de l'unification italienne. Donc après l'attentat d'Orsini, l'attentat manqué, donc Napoléon III va s'allier avec Cavour, qui est le président du conseil du Piémont. Ils vont s'unir militairement afin de chasser les Autrichiens d'Italie. Ouais. Alors il faut voir aussi qu'il y a eu un passage dans l'histoire italienne qui relie un peu l'avant et l'après-attentat d'Orsini, on pourrait dire, c'est l'échec de ce qui avait été les hypothèses d'unification italienne avant la possibilité de Cavour. Donc la faillite de la première guerre d'indépendance en 1948, ça porte à l'échec de l'hypothèse républicaine de Mazzini. Mmh. Et après, il y a l'émergence donc progressive de Cavour, de l'homme nouveau, cet homme qui est l'issue, un peu, il représente un peu cette élite bourgeoise et aristocrate du Nord, moderne, européen. Donc c'est lui qui va mener l'Italie à l'indépendance et à l'unité. Exactement, sous l'idée que maintenant la seule possibilité c'est la monarchie, le Piémont, les Savoies, Et donc, l'alliance entre l'Italie, la monarchie de Savoie et la France. Parce que l'autre aspect important, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'unification italienne sans l'aide de la France. Tout seul, on ne peut pas. Donc, en 1861, le royaume d'Italie est constitué. Il y aura d'autres étapes ensuite pour aboutir à 1871 avec l'annexion de Rome. Rome qui va devenir finalement la capitale de l'Italie. Le 17 mars 2011, les Italiens célébraient le 150e anniversaire de leur unité. À Rome, le président de la République, Giorgio Napolitano, et le premier ministre Silvio Berlusconi ont commémoré cet anniversaire historique. Le 17 mars 1861, c'est la date de naissance de l'Italie moderne. Avant, elle était divisée en 7 États sous la coupe de différents occupants étrangers. Aujourd'hui, chaque famille italienne était appelée à arborer le drapeau. En venant, j'ai vu beaucoup de bâtiments sans drapeau, explique cette femme. Mais quand l'Italie joue un match de football, c'est rempli de drapeaux. Pourquoi ils ne l'ont pas mis? Ils doivent se rendre compte de l'événement. Nous sommes italiens. Pas assez patriotes, les Italiens? Si certains oublient de fêter leur unité, les immigrés le font pour eux. Ce Tunisien, par exemple, dit brandir le drapeau italien parce que sa vie est ici. La nuit dernière, il n'était que 100 000 à déambuler dans les rues de Rome. Toute l'année, l'Italie va fêter son unification, excepté peut-être les partisans de la Ligue du Nord, aux velléités autonomistes, voire séparatistes. C'était donc le 17 mars 2011, un reportage de Renews, un anniversaire un peu boudé par les Italiens, on vient de l'entendre. Est-ce qu'on peut dire, Elena Mousiani, que l'unité italienne n'est pas terminée aujourd'hui? Elle est encore à construire? Elle est encore à construire, oui, on peut dire ça. Quoi qu'on avait vu, moi aussi j'étais étonnée, en 2011, il y avait des tricolores, pas seulement dans les stades, comme on dit toujours. Après, on a réoublié à nouveau, donc il faut toujours alimenter la mémoire, et je pense que c'est important, l'éducation à la nationale, c'est important, l'a été important en 61, après l'unification, parce qu'il fallait faire les Italiens, ils n'étaient pas faits, et maintenant encore, il faut rappeler que c'est important, l'histoire a un sens. Merci beaucoup Elena Mousiani. Vous êtes l'auteur de Faire une nation, justement, Les Italiens à l'unité, 19e-21e siècle, chez Gallimard, dans la collection Folio Histoire. À lire également un grand classique, L'histoire de l'Italie, de Pierre Milza, chez Fayard. Autant d'emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous revivrons une page célèbre et ô combien héroïque de la France libre. Le 2 mars 1941, le général Leclerc, à la tête seulement de 400 hommes, s'emparait du fort italien de Koufra dans le désert libyen. Première victoire de la France libre et aussi un incroyable coup de bluff. Le serment de Koufra, c'est dimanche prochain dans Autant d'emporte l'histoire. Mais dans quelques minutes après le flash, vous avez bien sûr rendez-vous avec Nadia Dam pour Modern Love. Excellente soirée sur France Inter.